بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الدرس الثاني والثلاثون 32e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في درسنا السادس عشر من الوحدة الثالثة عشر في العنوان في النص الموضوع بعنوان المساواة في الإسلام. طيب سأسألك عن كلمة جديدة. عليك الكتاب، توكل الله. ما في كثيرة، سبونبوز لا بيبارت لي كونيسون فيس. طيب طبق يطبق. نعم أبليكي أبليكي. أحاديث لا أحاديث جمع حديث. ما معنى حديث أصلا؟ أقوال وفعل. أقوال كلام عني في اللغة لسه في معناه أني أي أخبار. التفرقة العنصرية. نعم. غاضى يعيظ. Irrité. Kenna you kenni. Ani Belen Kunya nam. Wa mabda. Ala bimana ani fondement. Right. Bonjour. Alhamdulillah. T'as passé l'examen? طيب وقفنا أخذنا الأول فقط هكذا. Mais j'ai pris juste pris le premier ensemble. Je crois que non, là. Ouais. J'ai pris que le premier. Le Thani, je ne veux pas qu'on l'ait fait. Voyez, bien cool. Et t'as dit le Thani. Akmil kema fi namouzaj. Et namouzaj a cool. L'islam ou fadl. Et nana, l'islam. Fadl. Arabi. Ajami. Et taqwa. Et l'en najma de kalimet fi jumla wahida. نقول في الإسلام لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فهمت؟ في الإسلام لا يوجد ميريت للعرب سور النون عرب سيسنى على التقوى. الآن نفعل نفس الترتيب مع الكلمة الأخرى. الجملة الأولى الدراسة تمييز طالب طالب النشاط. الدراسة لا تمييز طالب على الطالب إلا بالنشاط. أحسنت. Quand on est dans les études, il n'y a pas de distinction entre les toulab, et ce n'est pas les efforts fournis. On en achète maintenant dans l'activité, mais bon. Assouk. Tu peux dire, non, mais qui lui veut, c'est pas ça qu'il veut lui. Non, mais je veux dire pour. Le ma'ana, ça, ouais, non. Nafs ma'ana, non. Assouk, irtifa'un, si'arun. سعرون الجودة عندي المارشي لا مونتي دي بري سير سي بري الجودة سي لا كاليتي. كلمة جيد جات من هذا هذا شوز دو بيان. في السوق لا ارتفاع السعر على السعر الجودة إلا الجودة. Non, que dans les marchés, il n'y a pas de montée de prix d'un prix sur un autre, si ce n'est par la qualité. Al-Mudun, Ahamiya, Medinatun, Medinatun, As-Sina'a. Les villes, l'importance, on va dire priorité ou ce genre de choses, ville, ville et l'industrie. Hein? Sina'a. que dans les villes, il n'y a pas de, on va dire, de ahamiya serait une priorité ou une supériorité ou ce genre de choses d'une ville sur une autre si ce n'est par l'industrie. Ça c'est mihaythu dunya mumkin. Mais sinon non. Mesela Mecca, Medina, comme on l'a dit hier par exemple, c'est les deux villes les plus élevées. C'est pas pour leur sinara. Adamin yaradatillah subhanahu wa ta'ala. طيب المساجد تقديم أحد أحد العلم les mosquées de préférence on va dire أني أحد personne العلم la science طبعا تقديم préférence faites de mettre quelqu'un en avant prépondérance d'une personne عيد في المساجد نعم لا تقدم نعم لأحد لأحد على لأحد على على أحد إلا بالعلم نعم que dans les mosquées il n'y a pas de préférence d'une personne sur une autre ce n'est pas la science. الفنادق فضل نزيل نزيل المدة les hôtels méritent un asile, c'est on va dire un hôte, celui qui rentre dans l'hôtel pour payer, qui réside, un résident quoi, en fait. Et Mouda, c'est période. على النزيل على وسفعيل نزيل على النزيل إلا بمدة que dans les hôtels il n'y a pas de préférence d'un résident sur un autre si ce n'est par la période, c'est à dire plus il reste longtemps et plus il rapporte, tu vois, c'est logique, donc il est préféré à l'autre. طيب سادسا المستشفيات تفضيل مريض مريض العمر المستشفيات لا تفضل للمريض لا المريض. لا تفضيل لا تفضيل للمريض على المريض إلا بالعمر que dans les hôpitaux pas de préférence pareil d'un malade d'un patient sur un autre et ce n'est pas à l'âge. J'ai pas compris c'est quoi le rapport avec l'âge, surtout que justement les, chez les koufars les personnes âgées c'est plus fatigant dans les hôpitaux. Par exemple. Les enfants encore, t'as vu, ils sont mignons, ils font rigoler. Quand ça s'agit, généralement, tu sais, ils sont lourds pour les gens, tu vois. Par exemple, demain, on va dire changer la couche d'un bébé, pas de problème. Ah bah, va changer celle de, tu vois. Quand ça s'agit, tu vois, ça va être moins chaud, ça le dit. Donc ça, c'est, je sais pas ce qu'ils veulent dire par l'homme, c'est ça qu'ils veulent dire, mais voilà quoi. Non, peut-être qu'ils veulent dire le plus jeune, le préférable de. De soigner un petit que un personnage est possible. Non. Tamam. Athalif. Akmil kema fin namouzaj. Un namouzaj, qiyam, wukouf. Après, on a Aboul Hassan, sahibik. Nakoul, ya Aboul Hassan, koum, wakif, ma sahibik. Donc, c'est-à-dire, en fait, le premier masdar, les deux masdar, tu les mets en amr, pour faire la phrase. Voyez. جمل الأولى عندنا وضوء صلاة عندنا عثمان والمصلون يا أبا عثمان توضأ والصلين وصلى مع المصلين مع نعم صلي بالمصليين يعني في الوضوء في الصلاة أكون في الصلاة avec ceux qui la font. طيب عندنا غسل اليدين وأكل عندنا حسن إيه إخوانك يا أبا الحسن اغسل يدك يا حسن يا أبا الحسن لا حسن فين كنيا يا حسن اغسل يدك وكل مع إخوانك نعم يا حسن نفت والدما تدما يمانج avec tes frères. عندنا ذهاب واستذكار عندنا عمر وزملاؤك. يا عمر إذهب واستذكر زملائك مع زملائك. استذكر نعم مع زملائك. يعني عمر va استذكار ce serait le fait de se rappeler ou de comme le fait de réviser je pense Allah alam معناه مراجعة Allah alam avec tes camarades. طيب استعداد سفر عندنا كلمة أخي ووالدك. يا أخي استغرد مع وسافر مع والدك. Oh, mon frère, prépare-toi et voyage avec ton père. Anana taharruk wa amal. Kalimat walad al-akharun. Ya walad. Taharruk. Taharruk. Taharruk. Naam. Wa i'amil. Wa amal. I'amil. Là-bas c'est i'amil. Avec le waw. Il s'est déjà bardé au hamzat al-wasl. Tu dis wa'amel. Hamzat al-wasl, tu ne prononces pas. An al-wasl. Naam. Oh enfant, petit quoi, bouge et travaille avec les autres. Là, c'est pour le kaslam celui-là. Tayyib, ikmal ou l'amel, wa arz, arzu al-ujra. Donc on a la kalimat amil et amiloun. أكمل إيش؟ أكمل العمل وأخذ وأخذ الأجرة. نعم وأخذ الأجرة مع العاملين. نعم أو ouvrier travailleur complète le travail et prend ta paye ou le salaire avec les autres employés ou avec les employés. تمام الرابع يقول املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية. On peut les trouver, ce qui correspond comme mot suivant. عندنا يطبق pratiquer, accomplir. أحاديث التفرقة. التفرقة qui voulait pas تفرقة tout à l'heure. تفرقة نعم. Vous dire de تفرقة, تفرق ou تفرقة. C'est que تفرق, il n'y a pas de T normalement. Tafrika, c'est la division. Tafrika al-Ansouriya, c'est le racisme, comme on a dit. Yeah. Le nationalisme, ouais, c'est en dedans aussi un peu. Tu vois. Il y a ni. Yaslah al-Ma'ana. Ya'iru. Se mettre en colère. Yukanna. Se faire pour mettre une kunya. Et Mabda. Fondement. Tayyib. الجملة الأولى لا تصادق الذين يكثرون من اللهو. Ne crois pas ceux qui excèdent de futile, on va dire. Ahadith. Ahadith. De paroles futiles. Ceux qui excèdent en paroles futiles. On va pas dire excéder. Excéder, c'est un côté d'éloge. Tu excèdes de ceux qui parlent trop, on va dire. Ouais. Simplement. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيبي حفص. Que عمر بن الخطاب se faisait بأبي حفص. كان يكن بأبي حفص. ثالثا اتحاد المسلمين وتماسكهم اليهود والنصارى. Que l'unité, l'union des musulmans et leur accroche les juifs et les chrétiens. Elle est claire là celui-là. Et c'est une phrase kouïa, masha'Allah. Une belle phrase. Moi j'aime bien les phrases comme ça. Qu'est-ce que l'union et l'accroche des musulmans provoquent aux chrétiens et aux juifs? C'est un ron. Hein. Attends. Je crois que j'ai fabulé là. Aïwa, c'est ghadha yu'idhu. Et non pas un ghadha. Yuridhu. C'est un thulathi et pas un rubai. J'ai fait une faute. Afwan. Dans l'autre derz, j'avais dit أغاظ يغيظ en me tenant d'amma. Afwan, j'ai pas bien lu. C'est un thulathi. Comment qu'on t'aille yu'idh. Que l'union des muslimines et leur accroche à la religion irrite les juifs et les chrétiens. Sah. Sah. Arsent. C'est l'une des meilleures phrases du livre. L'une des meilleures phrases de ce livre. Allo mabarak. C'est ça qui les énerve, les koufars, tu vois. Qu'on soit unis et qu'on soit accroché à notre religion. C'est pour ça qu'ils nous divisent, qu'on les cause pour qu'on se divise et qu'on se ramollisse dans nos religions. Et malheureusement, que peu, très peu se rappellent de cela. Ils font pas attention. Lorsqu'on dit ça, on dit vous êtes durs, remis les koufars, on est tous des frères, il faut vivre en harmonie. On dit non, on vit en harmonie. Mais d'abord joue notre djinn. Et s'ils suivent, harmonie. Et s'ils suivent pas, problème. Tu vois? Mais ils font des problèmes que à eux, pas à nous. Mais c'est pas genre nous on vient, on se divise pour les aimer eux. Jamais. Comment tu te divises avec ton frère pour aimer ton ennemi? Comment ça? Ça s'appelle de la traîtrise, ça. Naam. Et crois-moi que si on était justement unis et accrochés, ben les koufars ils rigolent pas avec nous. Souvent les ulama ils le disent, tout ce que tu vois comme caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les caricatures qui se moquent de lui, ce qu'ils font aux musulmans, c'est parce qu'on est faible justement. On aurait été fort, ils auraient jamais osé faire ça. Jamais ils auraient osé faire ça. Tu vois? Mais comme ils savent qu'on est comme ça, la ramoulée et tout, ils disent c'est bon, on peut. Les musulmans on peut jouer avec eux en ce moment, ils sont pas là. Bon, on serait comme ça unis, déjà là ils auraient mis qu'on aurait le pouvoir sur terre. Et ils ont pas compris, c'est pas avec les élections ou avec ce genre de choses qu'on va avoir le pouvoir sur terre. Pour ceux qui le disent qu'à la base, nous c'est pas ça qu'on veut. Mais ce pouvoir sur terre, c'est un résultat qu'Allah va nous accorder si nous on obéit. Mais nous on n'obéit pas à Allah pour avoir pouvoir sur terre. Tu vois? On va dire que ce sera un fruit. Mais nous notre but c'est rentrer au Jannah. Voilà, c'est natija. Nous notre but c'est rentrer au Jannah. Et si avant d'entrer au Jannah on passe par ça, bah alhamdulillah on le prend, tu vois. Mais comment on va l'avoir? Par le tawhid, tamassuk bid-din, wal istiqama. C'est ça qu'on va là, comme ça qu'on va l'avoir. Et si on avait ça, les koufars ils rigoleraient même pas avec nous. À l'époque des salaf, les koufars ils en paniquent des musulmans. Et les gouverneurs à l'époque, ils rigolaient même pas avec le jihad contre les koufars. Ils rigolaient même pas avec ça. Jamais tu aurais vu qu'à l'époque, un qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un kafir. Ils avaient peur avant des musulmans. Mais aujourd'hui, voilà quoi. Attends, elle est où la phrase? Naam. Rabi'an. Man tamassaka bi al-haq wa sidq nala taqdir al-nas. Celui qui s'accroche à Naam. Naam. C'est ça qui apparaît, ouais. De la vérité, les fondements de la vérité, de la véracité, il obtient le respect des gens. Dans les premiers scènes. Tumaris. Fi Junoub, Ifiliqia, wa fi America. Ouais, c'est appliqué un peu dans le sort, tu vois. C'est être en place. C'est à la base, Tumaris, c'est ouais, comme tu as dit, c'est pratiquer quelque chose. Tumaris, c'est Riyada, c'est tu fais du sport. Là, c'est Tumaras. En fait, là, c'est un Mabni de Majhoul. En vrai, il en reste que deux. Il n'en reste que deux. Tafriqa et Ansoriya. Naam. Ansoriya. Que le racisme, là on va dire, est présent, tu vois, ou se pratique dans le sud de l'Afrique, bah dans le nord aussi, hein, et en Amérique. Dans le monde entier, on dira, en réalité. Sadisan. المؤمن الحق هو الذي مبادئ الإسلام على نفسه أولا. Que le vrai mu'min, c'est celui qui les fondements de l'islam sur lui-même en premier. يطبقه. Qui applique. كلام حق. Il commence par lui-même. Mais si chacun commence par lui-même, c'est un grand khayr. Il commence par lui, sa famille, ses proches, attends là, ils ont même pas fini pour eux, ils sont déjà partis aux États-Unis pour aller s'occuper des autres. Voilà. Ils vont aller en France s'occuper des autres. Et commence par toi d'abord, mets-toi bien. Et wallah, si tu te mets bien, hein, tu te mets bien, bien, bien, tu n'auras pas envie d'aller en France. Ou tu vas y aller vraiment vite fait, tu vas revenir vite fait. Tu vas y aller vraiment pour la dawa, hop, tu reviens direct. Maintenant, Harry, ils ont encore en eux un khalel, je vais aller en France faire dawa. Je vais d'abord faire dawa sur toi-même, tu vois, dans ton cœur, ta famille et tout. Et après, si Allah yaftar alayka ilman wa taqwa wa istiqama wa qaboulan, imshi. Tu vois, va appeler tes frères. Mais là-bas, Harry, c'est tout le contraire. C'est, je me suis tarban ici, je vais m'améliorer en France, s'imagine. Ou je vais m'améliorer mes poches, mon ventre, et après mon cœur, d'après eux. Tu vois. Parce qu'il ne faut pas se voler la face. Beaucoup qui vont en France, c'est la dounia qui veulent, Harry. Hein. Il ne faut pas faire genre. C'est la dounia qui veulent. Il n'y en a aucun qui va dans les pays pauvres d'Afrique ou dans les pays pauvres d'Asie ou je sais pas où, ils vont tous en France, aux États-Unis, en Angleterre. Il dit quoi, le petit du Burkina Faso et pas dans la Darwa. Ou le petit, je sais pas moi, d'Amérique latine là-bas, là, dans les pays pauvres d'Amérique latine, il n'a pas dans la Darwa. Ah mais les Français ils ont droit à fond. Les Américains ils ont droit à fond. Les Anglais, les Belges. Hein, tous ces pays-là ils ont droit à fond. C'est vraiment étrange, tu vois. C'est sincère. Pourquoi tu vas dans les pays pauvres? Justement, les pauvres sont plus amenés à accepter que les riches à la base. Les premiers qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était les jeunes et les pauvres. Parce qu'ils sont plus humbles que les autres. Alors, tu veux un Kaboul chez les étrangers? Va dans les pays pauvres. Tu vois? Et ils ont besoin de ça en plus. Avec la pauvreté qu'ils ont, ils ont besoin. Tu sais, dans les mondes faiblesses, t'as plus d'acceptation pour la vérité. Va voir ces gens-là. On n'entend pas grand-chose. On n'entend pas une Dora, parce qu'on a passé une Dora en Guinée, une Dora au Niger, ce genre de choses. Tout le temps une Dora en France, une Dora aux États-Unis, une Dora je sais pas où. C'est adjib ça. Et ça c'est un indice qui décèle ce qui est un peu dans le fond des cœurs des fois de certaines personnes. C'est pas tous, tu vois, je parle. Pas tous, bien sûr. Je parle, tu sais, ceux qui sont, on va dire, les... on peut les appeler comme ça, hein, les stars du petit écran. Parce qu'ils sont filmés, ceux-là, en général. Ouais, ils sont filmés. Non. Et devant l'écran, c'est pas comme à la maison. Sache-le. Ces gens-là, à la maison, devant l'écran, ils sont Masha'Allah. Ama à la maison, pour mourir de Zalika. Il est Rahimallah. Je parle des. En général, des hisbiyyis, des petits prédicateurs, de ceux qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, tu vois. Ama al-alim al-mukhlis, yadhab haythuma du'iya. Le savant qui est. Ça sert à quoi? Ou que tu l'appelles, il vient. Donc, n'importe qui, tu l'appelles, il vient, tu vois. Et il fait son travail, après il revient. C'est pas il dort là-bas. Naam. Tayyib al-Khamis. يقول أجيب عن أسئلة الآتية أو تالية لماذا يذهب الناس إلى الأسواق؟ Parce que les gens vont dans les marchés. طيب يذهبون إليها لحاجتهم. Ils y vont pour leurs besoins. لماذا حاول الصحابي أن يحمل عن علي رضي الله عنه ما اشتراه؟ Pourquoi est-ce que le sahabi a voulu porter de Ali ce qu'il a acheté. Hein? Pour l'aider. Hein? Pour l'aider. Pour son aide, pour la portée de l'aide. Là. Moussaada, Saada, Yusaidu. C'est le fait d'aider. Ou l'i'anatihi, tu peux dire aussi. L'i'anatihi. Mais ils disent sahabi, dans le texte, c'est pas précisé que c'est un sahabi. Mais bon, c'est possible, mais c'est pas précisé que c'est un sahabi. Thalithan, mata tatlubu musa'arata al-akharin. Quand est-ce que tu désires de l'aide des autres? Aywa, inda waqt al-haja. Naam. والطلب المساعدة ما في معذور في الحاجة. Il y a pas de mal à ce que tu demandes de l'aide dans le besoin. والمؤمنون كالبنيان يشدون بعضهم بعضا. Mais faut pas excéder tout en demandant de l'aide aux gens quand tu n'as pas besoin. وتنعيزة تنعيفة. Les sahaba, comme le Nabi Sallam l'était emporté lorsqu'il leur a demandé, hein, qu'ils sont lui porté allégeance, et pas parce qu'ils l'ont porté allégeance, de ne rien demander à personne. À tel point que même s'il y en avait un qui avait son fond qui tombait par terre, il ne demandait pas quelqu'un de ramasser pour lui, il le faisait lui-même. Mais des fois, tu sais, il y a une haja, tu vois, la baisse. Tu demandes. Mais à la base, toi, tu peux éviter de demander, ne demande pas. C'est mieux. Ça donne une izza. Tu vois. Ah, mais il faut que la haja, la baisse. Rabi'an. Yakhtalifu al-nasu fil alwan wal lughat wa ghayri dhalika. ولكنهم متساوون في الإسلام في شيء تكون وجه المساواة. Donc il dit les gens diffèrent de leur couleur et leur langue et autres, cependant ils sont égaux en islam. Dans quelle chose est-ce que se trouve leur égalité? L'ukhuwa. Naam. L'ukhuwa. بما اشتهر كل من الصحابيين الجليلين عمر وعلي رضي الله عنهم. Par quoi se sont fait connaître les deux grands sahabi, deux grands esprits du sahabi qui sont Omar et Ali. لعنة الله على الغافلة. Donc par quoi se sont-ils distingués? Omar par quoi? Et Ali par quoi? Non, mais donne une particularité de Omar et une particularité de Ali. Omar. Min sifat al-jalila min Omar al-ma'roufa, min sifat Ali al-ma'roufa. Omar est d'affaire al-haq wa quwwa. Naam. Al-shidda fi al-haq. Wa Ali ajma' al-Qur'an. La. Intashara al-Qur'an. Alladhi jama' al-Qur'an wa Uthman. Ali kana ma'roufan bil-shaja'a. Kana shuja'a. جداً جداً. Il était très courageux. Et Omar, lui, il se chétonne sur le trottoir. On peut dire. Omar, c'est le genre de personne. Tu l'aurais bien à notre époque. C'est des rigels, mon frère, des rigels. Et maintenant, aujourd'hui. Allah Moustana, sallallahu alayhi wa sallam, al-umour. سادسا إذا نظرت إلى زملائك داخل حافلة عامة فماذا تشاهد من أوجه الاختلاف بينهم. Donc si tu regardes tes camarades dans le bus, عامة c'est le bus général, tu vois, sûrement le bus d'école, qu'est-ce que tu constates de leur visage comme différence entre eux? نعم لكن وما الذي يريد هذا ويريد الاختلاف في الالوان. Qu'est-ce que tu constates? Tu dis qu'ils sont de différentes races, من اجناس مختلفه. سابعا ما الشيء الذي يجمعهم مع كل تلك الاختلافات. Quelle est la chose qui les rassemble malgré toutes ces différences? Et là il parle dans un pays d'islam. سابعا ثامنا لماذا دعا الإسلام إلى المساواة؟ Pourquoi est-ce que l'islam a appelé à l'égalité? كلنا بنو آدم وكلنا عباد الله وكلنا تابعون لمحمد صلى الله عليه وسلم. تاسعا طيب هل تطبق المساواة بينك وبين إخواتك وبينك وبين زملائك كيف؟ Est-ce que tu appliques l'égalité entre toi et tes frères et entre toi et tes camarades et comment? أيوة بالأدب الشرعي أحسنت باتباع الكتاب والسنة. عاشرا ما الفرق بين ما كان يحدث قبل الإسلام وما حدث بعده بين الناس؟ Quelle est la différence entre ce qui s'est passé avant l'islam et après entre les gens? Non. Que les gens sortent des ténèbres pour aller vers la lumière. Enceinte. Un tafaratal c'est à 10. Taïbiakoul, اكتب قصة قصيرة على العد عن العدل مستعينا بالأسئلة التالية. Donc écris une histoire sur l'équité en te t'appuyant des questions suivantes. هل قرأت هذه القصة أو شاهدتها أو قصها عليك شخص آخر؟ Est-ce que tu as lu cette histoire, est-ce que tu l'as vécu, vu, ou est-ce que quelqu'un te l'a raconté? Quelqu'un d'autre te l'a raconté. Ensuite, سؤال متى حدثت هذه القصة؟ Quand s'est-elle passée cette histoire? ثالثا أين حدثت القصة؟ Où s'est produite cette histoire? رابعا من هم أشخاص القصة؟ Qui sont les personnes, les acteurs de cette histoire? خامسا ما دور كل واحد من هؤلاء الأشخاص؟ Quel est le rôle de chacun de ces personnes, chacune de ces personnes? سادسا أين العدل في هذه القصة؟ Où est l'équité dans cette histoire? سابعا ما رأيك في هذه القصة؟ Quel est ton avis, que penses-tu de cette histoire? ثامنا ما الذي استفدته منها؟ Qu'as-tu profité de cette histoire? تفضل. قصة التي رأيت قبل 20 سنة قبل 10 سنين. قبل؟ قبل 10 سنين. لا. قبل 10. Histoire que j'ai vécue il y a plus de 10 ans. Ou il y a 10 ans. Non. En Amérique, entre les prisonniers. Ok. Lise la phrase. Qu'il y a eu un une divergence entre eux pour leurs idées. Ouais. Il y a eu de la haine entre eux. El bourd wa la division. Un d'une autre groupe, alors il a aidé. Il a c'est quoi que tu as mis comme verbe? Anahu, il a aidé. Ayyadahu, il a soutenu. Naam. Wa son sahib, enfin c'est pas son sahib mais le gars de l'autre équipe. Wajada wa l'akhir wajada al-had. Wa wajada had. Wa hada jayyid. Hada c'est mon avis. Traduis-moi parce que j'ai pas bien saisi les éléments de ton histoire. En gros, c'est ashab de les prisonniers. Prison. Aux États-Unis. Il y a un groupe qui a des idées contraires à son groupe. Il voit des idées contraires et donc ça déclenche la décision. Et d'un autre groupe, qui est assez son ennemi, tu vois, va l'aider. Le fait que. Il a raison. Il avait raison. Ma faute. Ouais. التدريب السابع ستم استعمل الكلمات والعبارات الآتية في جمل مفيدة. C'est pas fait? Hein? Le famine et le sabia, c'est pas fait? Non, famine, c'est fait. Allez, Khalil, ça va bien. On te gracie. Famine. Deux, asilatan ni adil ijabat. Pose des questions, assez réponses. Arada sahibuhu an yahmila anhu mashtarahu. Son ami a voulu porter ce qu'il a acheté. Ma wassuel. ما أراد صاحبه. نعم. ثانيا طبق المسلمون المساواة بين الناس. Que les musulmans ont appliqué l'égalité entre les gens. Non, faut dire بعض المسلمين. وبل طبق الإسلام المساواة بين الناس. أما المسلمون يعني في هذا الزمن من قبل نعم. أما هذا الزمن يقول ماذا تبقى المسلمون؟ نعم. ثالثا أراد صاحبه أن يحمل عنه ما اشترى. هذه دفعة. طيب رابعا اشترى ما يحتاج إليه من السوق. إلى اشتري سنون سلاي بزوا ومارشي. ماذا يشتري؟ ماذا اشترى؟ هذا ماضي. نعم. كيسكي لا اشتري؟ خامسا لا لم يفرق الإسلام بين الناس. Non, l'islam n'a pas division entre les gens. أبدا. هل الإسلام يفرق بين الناس؟ نعم. طيب خلاص بهذا كملنا. فالحمد لله بقي درسان لنا ثم نكمل الكتاب بفضل الله. ففي آخر الكتاب سأسألك عن كلمات من الدرس خديجة أظن إلى الآخر. طيب وبإذا هذا كما قلنا après cela quand on aura fini on fera الولاء والبراء للفوزين حفظ الله تعالى. طيب والحمد لله رب العالمين. مع تحية دمام أفاف.com.